Il serait bon, à ce stage, de regarder le phénomène de la médiumnité, de le regarder de près, d'en extraire des aspects afin que ceux qui deviennent ou deviendront de plus en plus médiumniques comprennent ce qu'implique la médiumnité, ce qu'elle voile, ce qu'elle dépêche et ce qu'elle empêche. La médiumnité, dans le sens traditionnel du terme, est une vocation psychique de l'homme. Elle fait partie de la relation étroite entre son mental et des plans d'intelligence faisant partie de ce que nous appelons le monde de l'astral. La médiumnité n'est pas en elle-même une dimension, une qualité rigoureuse de l'énergie de l'intelligence. Elle représente chez l'être humain, chez l'homme évolutif, une capacité psychique d'interpréter des formes mentales à partir d'une conscience qui, déjà, est reliée psychiquement à des plans d'évolution faisant partie de l'organisation invisible des mondes, étrangers de par leur loi à la nature et à l'intelligence de l'homme de l'évolution. La médiumnité ne sera jamais dans l'avenir. Il ne représentera jamais dans l'avenir l'aspect réel de l'intelligence humaine. La médiumnité est une fonction psychique chez l'homme. Elle fait partie de son évolution. Elle fait partie de sa sensibilité, mais elle sera toujours dominée dans sa nature, dans sa qualité, dans sa quantité, par des formes pensées qui déjà possèdent sur l'homme une certaine autorité, une certaine capacité de domination de son intelligence, de son mental. La médiumnité chez l'homme nouveau, chez l'homme qui un jour pourra traduire matériellement, concrètement, l'énergie en intelligence, cette médiumnité ne fera plus partie des catégories psychiques de son ego, ni des catégories psychiques de son mental, dont il ne connaît pas la construction, la nature et les voies secrètes. Le problème fondamental avec les êtres médiumniques se résume à ceci. C'est que plus leur médiumnité est avancée, plus ils ont l'impression d'être intelligents. Et ceci est une très grave erreur, parce que l'intelligence de l'homme ne fait pas partie du processus médiumnique de sa conscience d'un état. L'intelligence de l'homme nouveau, de l'homme en fusion, est une intelligence qui est le produit de l'ajustement de l'énergie pure, de la lumière pure, à un mental qui a été totalement dévesti d'astralité, c'est-à-dire d'appartenance psychique ou psychologique à une forme de mémoire, soit humaine ou suprahumaine. Il ne s'agit pas ici de dire que l'homme médium, que la personne médiumnique n'est pas une personne qui vaille la peine d'être entendue. Il s'agit de dire que toute personne médiumnique fait partie d'un lien avec des sphères qui ont sur elle, à un niveau ou à un autre, une certaine emprise. L'homme nouveau, l'homme fusion, l'homme esprit, l'homme de demain, l'homme lumière, sera un être qui ne vivra et ne connaîtra pas la médiumnité dans le sens que nous l'entendons. Il sera parfaitement canal, mais canal dans un sens qui fera de lui un être capable de se servir de l'énergie et de lui donner la forme dont elle a de besoin selon le niveau d'évolution des besoins de la civilisation. Ce ne sera pas un être qui utilisera son énergie et verra cette énergie colorée par l'astral sur des plans dont lui n'a pas conscience dans leur mécanicité. Ce sera un être qui sera capable sur le plan humain, de par sa centricité mentale, de donner à l'énergie l'autorité dont elle a de besoin pour créer dans le monde l'énergie dynamique de l'évolution. Ce ne sera plus une énergie qui sera dictée, ce sera une énergie purement et parfaitement créative, issue du pouvoir de l'homme de la vitaliser sur le plan de la nouvelle forme devant être utilisée pour la création d'une nouvelle société. Donc, les êtres médiumniques devront apprendre à reconnaître la moindre impression de vanité ou d'orgueil dans leur mental causée et créée par l'astralisation de leur énergie. Ces êtres devront apprendre à reconnaître la moindre vibration, impression, créant dans leur mental une forme de vanité, une forme de sagesse, une forme d'impression qui leur donnera ou leur donne le goût, l'importance, le plaisir d'être médiumnique, parce que ceci n'est pas simplement une illusion, c'est aussi un voile. Il n'y a rien dans l'être humain, dans l'homme réel, qui soit plus désagréable que d'être dicté quoi que ce soit. Il n'y a rien dans l'homme nouveau, l'homme de demain, d'être dicté quoi que ce soit. Et tout homme nouveau reconnaîtra, quelque part au cours de son évolution, que la moindre forme de dictée est une forme de domination sur son mental. Parce que l'homme n'a pas à être dicté quoi que ce soit, puisque demain, il possédera la parole. Mais la médiumnité n'est pas la parole. La médiumnité représente un lien psychique, intelligent, avec des plans qui ne sont pas en fusion, donc avec des plans qui ne connaissent pas les lois de la lumière, mais qui reconnaissent la lumière. Des plans qui ne connaissent pas les lois de l'énergie, mais qui sont eux-mêmes énergie. Des plans qui ne reconnaissent pas les lois de la mémoire, mais qui sont mémoire. La médiumnité sera reconnue demain chez l'homme nouveau comme étant une des anciennes formes d'esclavage de l'humanité. Elle sera reconnue comme étant chez l'être nouveau une impuissance dans sa capacité de donner à l'énergie pure une forme nécessaire à l'évolution. Et les hommes qui auront compris ceci, bien qu'ils ne perdront pas la capacité de communication télépathique avec les plans subtils, demeureront toujours des êtres capables de désinformatiser ce qui leur est informatisé et d'informatiser ce qui leur est désinformatisé. Autrement dit, l'homme nouveau, l'homme conscient, de par sa nature, de par sa capacité d'intégrer l'énergie à son mental, sera capable de détruire toutes les formes créées à travers la médiumnité par les plans astraux à quelque niveau d'évolution que ces plans soient arrivés. Parce que cet homme ne fera plus partie de l'évolution. Il ne fera plus partie de la nature humaine telle que nous la connaissons. Il ne sera plus rattaché subliminalement, psychiquement, au monde de la mort. Donc, il n'aura plus aucun lien avec les plans astraux, avec ces sphères qui depuis toujours ont dominé la conscience de l'homme pour l'aider ou la retarder dans son évolution selon leur propre niveau d'évolution. Mais d'une façon ou d'une autre, l'homme-lumière sera obligé un jour de reconnaître que la médiumnité telle que nous la connaissons aujourd'hui est une forme d'énergie utilisée dans la conscience humaine pour le maintenir en contact, en regard et en vision avec des mondes qui sont ou qui peuvent être tellement élevés sur le plan de la forme que l'homme demeure lui-même esclave de sa propre vision. L'homme nouveau découvrira que tout ce qui se passe dans le mental humain est une condition imposée sur son mental jusqu'à ce que lui ait fait sauter ses formes afin de pouvoir libérer de son mental l'amplitude de toute une mémoire très vaste, autant consciente qu'inconsciente, faisant partie des archives astrales, dont lui est l'esclave, dont lui est le porteur, et dont il devra un jour se libérer complètement afin de posséder la mémoire totale, c'est-à-dire la mémoire solaire, et non pas la mémoire astralisée. Un autre problème chez les médiums, c'est qu'ils pressentent des choses. Et lorsqu'ils pressentent des choses et que ces choses dont ils pressentent la venue se confirment, ces êtres se font prendre au piège de la confirmation parce que l'ego spirituel en eux se rend compte que ce qui se passe entre lui et les plans est véritable. De sorte que les médiums deviennent, de par leur propre nature, des êtres qui peuvent facilement être piégés par leur propre médiumnité. Il est évident que si les sphères veulent communiquer avec l'homme, elles sont obligées de lui rendre compte de certains faits, afin que l'homme puisse prendre conscience du caractère véritable de ces informations. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est que tout ce que les sphères leur communiquent, qu'il soit de préconception ou de précognition, sert toujours à l'évolution des sphères et sert toujours à la diminution du pouvoir créatif de l'homme. L'homme n'a pas besoin de passer par les sphères pour connaître l'avenir, puisque l'homme, dans sa fusion, dans sa réalité, dans sa lumière, contient tout ce qui est dans l'avenir, de la même façon qu'il contient tout ce qui est dans le passé. Mais il y a dans l'homme un mécanisme que nous appelons l'ego. Il y a dans l'homme un aspect que nous appelons la conscience subjective, qui fait que toute pénétration dans le domaine de l'avenir ou dans le domaine du passé qui n'était pas connu de lui égoïquement et qui lui est rendu par voie médiumnique, crée en lui, en tant qu'ego, une sorte de vanité subtile, une sorte d'orgueil subtil. Et ces deux aspects de sa conscience vont en opposition total avec la lumière. Lorsque la lumière descend sur le plan matériel et qu'elle s'ajuste au mental humain et qu'elle découvre et qu'elle permette à l'homme de savoir, ce savoir vient à l'homme ou vient dans le monde de l'homme lorsque c'est le temps, c'est-à-dire lorsque la lumière est prête à ce que ce savoir soit su pour des fins d'évolution créative, des fins d'évolution qui ne font pas partie du corps spirituel de l'homme, qui ne font pas partie de la vanité de l'ego, qui ne font pas partie de l'orgueil mental de l'homme, mais qui font partie des vastes plans d'évolution de l'humanité ou des autres races en évolution dans le cosmos. Donc, le médium qui voit, le médium qui pressent, le médium qui réalise, même si ce qu'il perçoit se confirme à une certaine réalité, devra un jour reconnaître que tout ce qui est utilisé pour lui donner confiance en sa médiumnité est un couteau à deux tranchants, qui un jour devra être réalisé afin que lui puisse lui-même s'affranchir de son esclavage médiumnique à cause de sa relation psychique avec des sphères qui font partie de l'involution. L'homme n'a pas besoin d'être médiumnique dans le sens catégoriel du terme. L'homme est lumière. Et l'homme étant lumière, ou l'homme de mince étant lumière, n'a plus besoin du support psychologique ou psychique des sphères. Il est lui-même entretenu, maintenu dans sa propre énergie. Il est lui-même énergie et il a les corps subtils nécessairement développés pour donner à cette énergie la forme qui est nécessaire pour l'évolution de l'homme. Le problème avec certains médiums, c'est qu'ils sont trop assoiffés des secrets de la vie. Ils sont trop assoiffés des secrets de l'invisible, et cette soif des secrets de l'invisible fait partie des illusions de l'ego, elle fait partie des pièges de l'involution, et les hommes qui devront un jour passer d'un stage de conscience à un autre seront obligés de regarder la soi-disant connaissance d'un autre point de vue. La connaissance pour l'homme nouveau ne sera pas un appât, elle ne sera pas un intérêt, elle ne sera pas une qualité psychologique de l'ego. La connaissance sera simplement le reflet du mouvement de l'énergie à travers le mental de l'homme. La connaissance ne représentera que l'aspect final de la descente de l'énergie sur le plan matériel, sur le plan mental de l'homme, pour la construction d'une nouvelle société. Tandis qu'aujourd'hui, pour les médiums, en tout cas pour tous ceux que j'ai rencontrés, excepté probablement dans un seul cas que je connais, les médiums ont une soif de la connaissance. Ils ont une très grande soif de savoir ce qu'il y a derrière les voiles. Et cette soif de savoir ce qu'il y a derrière les voiles fait partie du piège de la médiumnité. Lorsque l'homme sera dans une conscience lumière, une conscience pure, il n'aura pas cette soif parce que déjà, il sera totalement alimenté par son énergie. Celui qui a bu n'a pas soif, mais celui qui n'a pas connu ce qu'est le boire, lui a soif. Et c'est pourquoi les médiums sont des êtres qui sont encore appauvris en énergie, bien qu'ils soient très riche en esprit. Mais l'évolution de l'énergie et de l'esprit doit être une même évolution. Il doit y avoir une relation étroite entre l'énergie et l'esprit, parce que l'esprit, c'est le réservoir, c'est cette machine qui transmute l'énergie. Et l'énergie, elle est totale, elle est globale, elle est une, elle est absolue, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de début. Donc l'esprit, pour pouvoir bénéficier de l'énergie, devra réaliser que sa nature et que son lien avec cette énergie est un lien qui doit être fondé sur l'union totale, l'uniticité totale du rapport entre le mental de l'homme et cette énergie. Mais si l'homme sépare en deux sa conscience, c'est-à-dire que s'il vit d'une conscience mentale d'un côté et d'une conscience médiumnique de l'autre, il sera obligé de subir la pression de la conscience médiumnique, il sera obligé de sentir le besoin de savoir, de déchiffrer, de connaître, et cette illusion fera partie de son initiation solaire, parce que cette illusion fera partie de la pression qu'impose sur son mental les entités dans les autres plans qui se serviront de tout pour donner à l'homme l'impression d'être intelligent, lorsqu'en fait son intelligence est d'une autre mesure et d'une autre réalité. Jamais les intelligences sur les plans invisibles ne pourront donner à l'homme de l'intelligence. L'intelligence ne vient pas et ne viendra jamais des plans de l'astral. L'intelligence est le produit de la synthèse de l'énergie avec l'homme à travers l'esprit ou le double. L'information, la connaissance, ceci peut venir des plans. Ceci peut venir des plans astraux très élevés comme des plans astraux les plus bas. mais ceci ne fait pas partie de l'intégration de l'âme. Ceci ne fait pas partie de la fusion de l'âme. Ceci fait partie de l'évolution encore spirituelle de l'homme en quête d'identité avec lui-même. Et les médiums sont des êtres qui souffrent d'identité. Ce sont en général des êtres qui ne sont pas arrivés sur le plan matériel à une conversion totale de leur énergie en patrimoine pragmatique, en patrimoine réel, en patrimoine solide. Autrement dit, ils n'ont pas les pieds sur la terre. Ils ont les pieds entre la terre et le ciel. Et les hommes devront apprendre à concrétiser leur énergie et à la faire descendre sur le plan matériel, cette énergie. Et s'ils ne font pas ceci, ils demeureront médiumniques et ils verront dans la médiumnité une source d'information capable de leur donner une certaine identité, un certain savoir, dans le fond, une certaine connaissance. Car le savoir et la connaissance sont deux aspects totalement différents de la conscience humaine. Et si les hommes fondent leur identité sous la médiumnité, à quelque niveau que ce soit, ils seront dans l'illusion, et ils seront dans l'obligation un jour de reconnaître que par le passé, alors qu'ils se croyaient en intelligence, ils n'étaient que les paroquets de l'astral. Il est très important pour les hommes ou les êtres qui sont médiumniques de reconnaître la différence entre la qualité de l'information et la quantité de l'information. C'est l'homme qui doit être capable de décider, de voir et de reconnaître la qualité d'une information. L'homme ne peut pas se permettre de prendre ou d'absorber de l'information de façon gratuite parce que l'homme, sur le plan humain, à partir du moment où il est dans sa conscience, dans son énergie, doit être capable de voir à travers les truchements les plus subtils de l'astral. L'homme est un être qui vit de communication, consciente ou inconsciente, et le début de l'intelligence sur le plan matériel, qui coïncide avec le début d'une nouvelle évolution, ne peut pas partager l'homme en deux, c'est-à-dire faire de lui un être qui reçoit et un être qui transmet. L'homme qui crée est un homme qui n'a pas besoin de recevoir puisqu'il transmet, et l'homme qui crée n'a pas besoin de transmettre puisqu'il reçoit. Donc, dans le cas de l'homme nouveau, la réception et la transmission doivent être la même. Mais pour que la transmission et la réception soient la même, il faut que l'homme, sur le plan mental, sur le plan de sa conscience mentale supérieure, soit arrivé à un niveau de centricité suffisamment élevé pour ne pas sentir de polarité dans son intelligence, c'est-à-dire pour ne pas sentir de dictée, pour ne pas sentir qu'on lui dicte, pour ne pas sentir qu'il est à l'autre bout d'une ligne télépathique. Ceci est une illusion, et l'homme ne reconnaîtra cette illusion que lorsqu'il aura suffisamment intégré son énergie. À partir du moment où l'homme se sent au bout d'une ligne télépathique, il est en voie de désinformation, même si à l'intérieur de cette désinformation, il y a beaucoup d'informations temporaires, transitoires, qui servent à l'attacher, à le relier à cette même source d'énergie astralisée. Le mensonge cosmique est le grand œuvre des forces lucifériennes. Il fait partie de la totale organisation psychique des mondes invisibles en relation avec l'homme. Il est à la fois la limite de l'empire luciférien sur la conscience humaine, et il est aussi à la fois la domination de cet empire sur la conscience de l'homme. Et l'homme nouveau devra totalement être en dehors de ces deux limites. L'homme nouveau devra être capable, de par sa nature, de par sa parole, de créer dans le monde, de donner dans le monde à l'énergie une forme qui substituera l'information médiumnique pour une autre sorte de créativité émanant de l'homme et jamais plus régie par les forces ou les plans ou les sphères astrales faisant partie des multiples aspects de sa personnalité intérieure. D'ailleurs, il y a un lien très étroit entre ce que nous appelons la personnalité et la médiumnité, parce que la médiumnité est une force dans l'homme, est une force intelligente dans l'homme qui colore la personnalité. Et lorsque la personnalité est éveillée à cette force, lorsqu'elle est éveillée à cette réalité interne, psychique et astrale, cette même personnalité se transforme et elle commence à prendre de la place dans la vie de l'homme. Et ça, c'est une illusion, parce que l'homme nouveau ne va pas d'une personnalité inférieure à une personnalité supérieure. Il va de la personnalité à la personne. Et plus il va vers la personne, moins il y a en lui de cette expérience de la personnalité. Autrement dit, moins il y a en lui de cette capacité de vivre sous le joug de la désinformation médiumnique. Les médiums ne réalisent pas qu'ils sont des êtres en relation avec d'autres personnalités faisant partie d'eux-mêmes sur d'autres plans. Et ne réalisant pas ceci, ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas unifiés dans leur totalité. Autrement dit, la personnalité sur le plan matériel devient liée, dominée par la personnalité sur les autres plans. Et cette jonction de deux personnalités ou même de plusieurs personnalités fait des médiums, des êtres qui psychiquement sont instables. Ils sont instables parce qu'ils ne sont pas capables de vivre l'unité de leur énergie. Ils sont obligés de la vivre sur le plan matériel dans une condition et sur le plan psychique dans une autre condition. Et ça, c'est un des problèmes de la médiumnité de l'homme évolutif. Et tant que l'homme n'aura pas brisé, fracturé cette dualité, tant qu'il n'aura pas compris le besoin de vivre simplement de son énergie, sans que cette énergie soit filtrée par d'autres personnalités qui font partie de son passé sur les autres plans, il ne pourra pas comprendre la différence entre être médiumnique intelligent et être purement dans l'énergie de l'intelligence. Et c'est pourquoi il souffrira jusqu'à un certain point, ou il percevra jusqu'à un certain point, une forme d'orgueil ou de vanité, et cette forme d'orgueil et de vanité sera perçue chez d'autres personnes, parce que tous les médiums transmettent inconsciemment, chez ceux qui les rencontrent, une forme de vanité, que ce soit une vanité mentale, ou que ce soit une vanité spirituelle, ou que ce soit une vanité occulte, ou que ce soit une vanité psychique. Il y a toujours chez les médiums une sorte d'agressivité dans leur esprit. Et cette agressivité fait partie du fait qu'ils sont en voie d'évolution et qu'ils sont encore à l'intérieur du combat de l'unité de toute leur personnalité. Lorsque l'homme aura unifié toutes ses personnalités, il sera dans son énergie. Il sera dans l'intégration de son énergie. Et il ne sera plus médium. Il sera simplement créateur. Il parlera, il dira, il fera, et il n'aura plus à se référer à quoi que ce soit au-dessus du plan où il sera, parce que le plan où il sera un plan totalement unifié. Il y a chez les médiums un sentiment, petit ou grand, caché ou évident, de la conscience du petit maître ou du grand maître. Le médium ne peut pas s'empêcher de sentir en lui-même une sorte de maîtrise. Il ne peut pas s'empêcher d'être un point cardinal dans l'évolution de la pensée. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir l'impression d'être quelque chose qui a de l'importance. Tout ceci fait partie de la lutte entre sa personnalité sur le plan matériel et ses autres personnalités dans les sphères. Donc, pour passer de la médiumnité cavalière à l'intelligence pure, l'homme sera obligé d'apprendre les lois de l'énergie, les lois du mental, les lois de l'intelligence, les lois du mensonge, et à voir le jeu subtil qui se joue entre l'invisible et le matériel. Et tant que l'homme ne verra pas ce jeu subtil qui se joue entre ces plans, il ne pourra pas comprendre que la médiumnité fait partie de l'esclavage de l'évolution. Parce qu'il ne verra dans la médiumnité qu'un aspect supérieur de l'évolution, alors que dans le fait, La médiumnité est une forme subtile d'esclavage qui fait partie de l'évolution, qui fut nécessaire, qui est encore nécessaire, qui est bonne dans plusieurs aspects, mais qui, à long terme, en voie d'évolution, en ce qui concerne l'homme de demain, ceci ne fera plus partie de sa nature, parce que l'homme n'a pas à être dicté quoi que ce soit. L'homme doit être capable, sur le plan humain, de donner à l'énergie la forme dont elle a de besoin afin que lui puisse travailler sur ce plan avec le meilleur des outils, c'est-à-dire l'énergie transmutée et formée par lui-même. Mais pour ceci, il faudra que l'homme ait compris que la médiumnité n'est qu'un passage dans l'évolution, n'est qu'une période dans l'évolution, qu'elle fait partie des liens entre l'invisible et le matériel, mais que ces liens un jour seront détruits afin que l'homme devienne lui-même lumière et qu'il ne soit plus séparé en deux, qu'il ne soit plus le produit de la déformation psychique de l'énergie à cause de la multiplicité de ses personnalités dont lui n'en connaît qu'une. Tant qu'il y aura chez le médium de l'attitude mentale, cette attitude mentale représentera le déchirement intérieur de sa conscience. Cette attitude mentale démontrera le manque ou l'absence de paix dans son esprit. Elle démontrera encore la lutte qui existe entre lui sur le plan matériel et lui sur les autres plans. Et l'homme nouveau sera conscient de ceci, parce qu'il découvrira que la nature même de l'intelligence n'a rien à voir avec les catégories de la connaissance. Cette illusion est profonde chez les médiums. Ils croient, ils s'attachent profondément à la connaissance médiumnique parce que cette même connaissance leur donne un point d'appui psychologique sur le plan matériel et donne à leur personnalité une définition dont ils ont de besoin afin de pouvoir sentir qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont quelqu'un, qu'ils sont un centre de vérité quelconque. Elle est grande, l'illusion. Elle est profonde, et les voiles sont subtiles, et l'homme ne fait que commencer à comprendre les lois de l'organisation psychique occulte des mondes invisibles. L'homme a tout à écouter, l'homme a tout à comprendre, l'homme a tout à savoir. L'homme ne sait rien qui soit, sur le plan de la connaissance, valable, parce que la connaissance fait partie du lien entre l'homme sur le plan matériel et l'homme personnalité sur les plans invisibles de l'astral. Et un jour, les médiums comprendront ceci. Les médiums comprendront un jour que le savoir n'a aucune relation avec les catégories de la connaissance. Ils comprendront que le savoir n'a aucune relation avec les catégories de la connaissance. Et tant que les hommes n'auront pas compris ceci, ils ne seront pas parfaitement en paix dans leur esprit et ils chercheront par la voie de la médiumnité à savoir, à comprendre et à pénétrer de plus en plus dans le secret des choses, lorsqu'en fait, le secret n'existe pas pour la lumière. Il n'existe que pour l'homme qui est en relation étroite, psychique, occulte, avec les plans subtils de l'astral, plan où multiples personnalités travaillent en relation avec la sienne sur le plan matériel pour maintenir sur le plan matériel, le contrôle de l'information, parce que le contrôle de l'information fait partie du pouvoir des sphères sur l'homme. Mais ceci est une illusion. Il n'y a rien dans les sphères qui ne puisse être démantelé par l'homme. Il n'y a rien dans les sphères qui ne puisse être débâti par l'homme, parce que les sphères et tous les niveaux de leur organisation sont des formes quelconques d'illusion, sont des formes quelconques de pensée, sont des formes quelconques de mémoire qui représentent de la personnalité invisible. Donc, les sphères astrales, à quelque niveau d'évolution qu'elles soient, ne représentent que l'abîme fondamentale utilisé par les forces lucifériennes pour le contrôle de l'évolution des espèces inférieures à la lumière, qui un jour devraient être revenues sur le plan matériel, ressuscitées sur le plan matériel, afin que l'homme soit parfaitement intelligent, c'est-à-dire parfaitement dans sa lumière, parfaitement capable de s'instruire lui-même, parfaitement capable de se soustraire du besoin de savoir ou de comprendre, parfaitement capable de s'instruire, mais parfaitement capable aussi de retenir l'instruction selon le temps de la lumière et non pas selon le temps de l'ego. Tant que les médiums n'auront pas compris que l'énergie de l'intelligence ne crée pas d'impression dans le mental conscientisé de l'homme nouveau, ils seront obligés de subir l'impression de cette intelligence. Et c'est cette impression qui leur donnera la vibration perceptible d'une sorte de vanité spirituelle ou mentale, ou occulte, ou psychique. Et cette illusion devra être brisée parce que l'homme ne pourra jamais passer de la forme, ne pourra jamais passer de la pensée forme à l'énergie pure tant qu'il sera rattaché à un niveau ou à un autre, à une forme de besoin d'être le représentant sur le plan matériel des secrets de l'invisible. Il existe une différence fondamentale entre l'information médiumnique et l'intelligence de l'homme en relation avec les circuits universels. Les circuits universels sont totalement en dehors du monde de la pensée. Ils sont totalement libres de l'involution. Ils sont totalement libres du pouvoir de domination des forces qui, pendant l'involution, ont servi à la progression de l'homme. Les circuits universels font partie des mondes de la lumière. Ils utilisent les différents niveaux vibratoires des différentes planètes éthérées pour se propulser, pour se déplacer, pour se mouvoir, afin de donner de la vitalité psychique au monde réceptif qui existe en évolution sur ces plans. Les circuits universels sont utilisés ou utilisables par tous les êtres créés. Et étant des circuits utilisables par tous les êtres créés, ils ne peuvent pas être contrôlé par l'astral. Mais tant que l'homme sera lié à l'astral au niveau de ses personnalités intérieures, il ne pourra pas comprendre la différence entre ce que nous appelons l'énergie de l'intelligence en mouvement ou le développement de l'intelligence dans son aspect directionnel, ce que nous appelons le savoir pour des fins d'évolution particulière à différentes planètes, à différents systèmes, parce que ces êtres seront trop attachés à la forme. Ils n'auront pas compris que ce que nous appelons de l'intelligence créative est une forme d'énergie qui prend forme à partir du moment où elle est parlée ou rendue par les êtres en fusion de conscience. La connaissance, comme nous avons toujours dit, n'est qu'une forme d'illusion. Et l'homme ne comprend pas ceci parce qu'il a l'impression qu'à partir du moment où une forme, surtout si la forme est très élevée en vibration, à partir du moment où une forme est créée, il a l'impression que la forme est de la connaissance. Ceci est un voile parce que la connaissance ne fait que partie de l'impression de l'énergie de la connaissance. Alors que l'énergie de l'intelligence, ce que nous appelons le savoir, est au-dessus de la forme, est au-dessus de l'impression de la forme. Elle est pure énergie et elle crée dans son mouvement l'impression ou la forme nécessaire selon le niveau d'évolution de la civilisation. Donc, il est très important pour les médiums de se détacher de l'émotivité, de la spiritualité, de la forme qu'ils reçoivent dans le mental afin de pouvoir graduellement comprendre que la nature même de la connaissance, telle que nous la connaissons aujourd'hui sur notre planète, c'est-à-dire telle que dictée par les entités sur les autres plans qui font partie de nos personnalités, est une forme d'intelligence colorée par l'astral et soumise aux lois de la domination. Le médium devra un jour comprendre, surtout lorsqu'il aura suffisamment avancé dans l'étude des lois de l'énergie et des lois de la forme, que la distinction entre la connaissance et le savoir est une distinction absolue, et que chez l'homme nouveau de demain, n'ayant pas à vivre l'impression du savoir, il sera obligé de ne subir que la pulsation de l'énergie dans son mental sans jamais pouvoir se rattacher émotivement ou mémoriellement ou valoriellement à la forme qu'il créera parce que, pour être libre dans l'esprit, pour être un sur tous les plans de toutes ses personnalités, il ne faut avoir aucune mémoire, c'est-à-dire il ne faut avoir aucun besoin psychique d'interpréter la forme comme étant ou appartenant à une dimension quelconque de ce que nous appelons les mondes de la vérité. Et ceci, les médiums devront le comprendre, parce que c'est probablement le plus grand de leurs obstacles, parce que les médiums sont des êtres en voie, à la recherche ou en attente de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur réalité. Ils sont divisés dans leur personnalité, ils sont multiples dans leur personnalité, donc étant multiples dans leur personnalité, ils sont incapables de savoir. Ils sont simplement capables d'interpréter ou de recevoir de l'information et ceci les garde encore sous la domination des sphères et fait d'eux, sur le plan matériel, des êtres souvent très merveilleux. Mais il ne s'agit pas d'être merveilleux, il s'agit d'être parfait. Il ne s'agit pas d'être merveilleux, il s'agit d'être intelligent. Il ne s'agit pas d'être merveilleux, il s'agit d'être unifié, intégré. Total, réel. Il ne s'agit pas d'être merveilleux, il s'agit d'avoir dépassé le niveau psychologique, psychique de la médiumnité pour en arriver un jour à ne représenter sur le plan matériel, tant que nous sommes sur le plan matériel, une liaison directe et étroite avec l'énergie, en dehors des mondes de la pensée, en dehors des mondes de la forme, en dehors des besoins psychologiques ou psychiques de la connaissance, afin de pouvoir finalement instruire, c'est-à-dire donner à l'humanité une nouvelle vibration, une nouvelle source d'énergie, pour qu'elle, avec le temps, puisse se reconstruire, puisse se redonner une nouvelle vitalité. Le besoin qu'ont les médiums de regarder dans les archives, d'aller dans les archives, d'étudier les archives, de vérifier les archives, fait partie du jeu des personnalités dans l'invisible qui s'occupent de leur fournir de l'information afin de maintenir de plus en plus sur l'homme matériel leur pouvoir. Et l'homme découvrira un jour jusqu'à quel point est subtile l'organisation interne des sphères psychiques, des sphères spirituelles ou des mondes de l'astral. L'homme ne commence qu'à comprendre, qu'à voir, qu'à découvrir. Et depuis quelques années seulement, alors que l'univers existe depuis des millions et des milliards d'années. Alors si nous nous imaginons les hommes qui avons un certain niveau de conscience, de préscience, de précognition, de médiumnité, si nous nous imaginons pouvoir comprendre, reconnaître les aspects occultes et voilés, et secret de la vie à travers la médiumnité, nous sommes réellement des êtres parfaitement enculés parce que les lois de l'énergie ne sont pas les lois de l'ego, ce sont les lois de la vie, ce sont les lois de la vie créative, ce ne sont pas les lois de la vie existentielle sous lesquelles l'homme, pendant des millénaires, a vécu, survécu et souffert parce qu'il était en contact conscient ou inconscient, avec des sphères qui se faisaient de lui ce qu'elles voulaient. Je n'accuse pas la médiumnité, je la mets en garde. Je n'accuse pas la médiumnité, je lui fais voir qu'au-delà de la médiumnité, il y a des étapes de conscience, il y a des étapes de savoir, il y a des étapes de reconnaissance qui ne font pas partie du lien entre l'homme et les sphères astrales. Je n'accuse pas la médiumnité parce que la médiumnité a rendu et rend encore de grands services à l'humanité, mais je dis que la médiumnité n'est pas finalitaire, elle est transitoire, elle fait partie de l'évolution et l'homme un jour cessera d'être médium pour devenir créateur, c'est-à-dire pour pouvoir engendrer sur le plan matériel, de par la force de sa parole, de nouvelles structures psychiques évolutives pour une humanité nouvelle.